Introduction à Physiologie du jour de l'an. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couellac. Introduction. Premier de l'an, jour si triste pour les uns, si beau pour les autres, je vais essayer d'esquisser ta physionomie. Et je te traiterai aussi bien que possible. Je te redoute trop, moi qui suis une de tes victimes ordinaires, pour ne pas me montrer indulgente envers toi. Je ne te demande qu'une chose, c'est qu'il te plaise de me rendre la pareille. Ne m'envoie pas trop de nièces, pas trop de filleules, pas trop de petits cousins, pas trop de portières et de bonnes d'enfants. Du reste, sans vouloir te braver, je te dirai que si ma plume laissait par hasard échapper quelque chose qui pût te déplaire, et qu'il devint évident pour moi, vers le 15 décembre, que tu ne me fais pas bonne mine, je fuirai tes coups, si c'est possible, et je prendrai la diligence avant le 1er janvier pour aller passer un mois tout entier sur le sommet de quelque montagne de l'Auvergne, avec les ours du pays. Te voilà bien averti. Ne sois pas trop difficile sur les termes. Et maintenant, ô premier de l'an, laisse-moi m'acquitter, avant d'aller plus loin, de l'une des obligations les plus douces que tu m'aies jamais imposées. Fais place, et permets-moi d'embrasser mon lecteur ou ma lectrice en lui souhaitant une bonne et heureuse année. Lecteur, mon ami, je te souhaite de l'avancement si tu es militaire, de grands succès si tu es comédien ou auteur, un fauteuil de président si tu es juge, une gratification si tu es employé, et le sommeil tranquille si tu es roi. Que ta santé soit heureuse, ta femme fidèle et tes amis sincères. Que veux-tu encore? Parle! La boîte à la malice est ouverte. Il ne m'en coûte pas plus à moi de donner qu'à toi de demander. Ou plutôt, fourre-toi même la main dans le sac. Et surtout, tâche de ne tirer que de bons numéros. Et à vous, charmante lectrice, que vous offrirai-je? Puissiez-vous, mademoiselle, épouser ce joli petit cousin qui vous aime tant et que vous aimez tant. Que Dieu ôte à votre père la pensée de donner votre main à ce ci-devant jeune homme qui a été son ami de collège et qui vous poursuit depuis 2 ans de ses œillades assassines. L'année prochaine, si j'en crois mes pressentiments, Alfred vous conduira à Notre-Dame-de-Lorette en costume d'épousée. Êtes-vous contente? Vous faites la moue. Me serais-je trompée? Penseriez-vous à un autre? Ah, vous trouvez que c'est bien long d'attendre jusqu'à l'année prochaine. L'année où nous sommes encore ne nous appartient plus, mademoiselle. Elle est hors du domaine de nos vœux. L'homme ne peut que désirer. Il n'a pas la puissance d'accomplir. L'avenir est à nous, quoi qu'on dise. Le présent est dans les mains de Dieu. Et combien de fois, hélas, le présent ressemble peu à l'avenir que nous avions voulu. Patientez donc un peu, jeune fille. Encore quelques jours, et vous saurez, non pas tout ce que je pouvais, mais tout ce que je désirais pour vous. Quant à vous, madame, conservez longtemps vos fraîches couleurs, vos dents si blanches et si bien rangées, votre taille si fine, votre pied si coquet, et l'amour de votre mari ou de celui qui le remplace. Je lui vole aujourd'hui un baiser, mais les baisers du jour de l'an sont tout à fait sans conséquence. Que me souhaiterais-je à moi-même? Ah! Que ce petit livre soit dévoré par 3,5 millions de lecteurs d'Asie, d'Europe, d'Afrique, d'Amérique, d'Océanie et de mon arrondissement, et que l'éditeur soit forcé d'en faire assez d'éditions pour qu'avec les exemplaires, on puisse construire une nouvelle tour de Babel. Fin de l'introduction, lue par Ezoie, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 1 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couellac. Chapitre 1. Coup de crayon préliminaire. J'aime assez à me faire le portrait des gens, même des personnes que je n'ai point vues. Cette habitude me donne une foule de connaissances que je n'ai jamais eues et d'amis que je n'aurai peut-être jamais. Souvent, la nuit, au lieu de dormir ou de me livrer à toute autre occupation plus ou moins agréable, j'arrête mon imagination sur un individu quelconque dont je ne sais que le nom, et à grands coups de crayon imaginaire, je m'amuse à esquisser sa physionomie. J'ai établi ainsi dans mon esprit, et pour mon agrément personnel, le type de plusieurs centaines de personnages morts ou vivants. J'ai déjà en magasin Alexandre le Grand, Madame Lafarge, Abdul Méchide, Trajan, l'empereur Nicolas, Papavoine, César, Don Pedro, Abdelkader, la belle Écaillère, la bergère d'Ivry, Ponce Pilate, Galimafré, notre père Adam, le petit manteau bleu, Mehemet Ali, la mère Moulin. Et ma collection augmente tous les jours. C'est déjà une véritable exposition de figures de cire. Je ne m'arrêterai pas à vous donner ici, à la plume, les portraits fantastiques de tous ces messieurs et de toutes ces dames. Cela pourrait vous ennuyer beaucoup, et moi aussi. Je me permettrai seulement de vous dépeindre en deux mots les traits sous lesquels, dans une nuit de décembre, nuit d'angoisse et d'attente pénible, m'est apparu le premier de l'an, qui est aussi, lui, un personnage historique. Son corps est divisé en deux parties parfaitement égales, dont l'une appartient à un homme et l'autre à une femme ou à un enfant. Ne vous préoccupez pas du phénomène, ce n'est qu'un rêve. D'un côté, sa figure est soucieuse. De l'autre, du côté enfant, elle est toujours gaie. D'une main, il donne toujours. De l'autre, il reçoit sans cesse. Ses deux poches sont ouvertes. L'une pour laisser sortir les cadeaux, l'autre pour les engloutir. Il est chargé de boîtes de bonbons, les unes pleines, les autres vides, de jouets, de bijoux et autres colifichets. Ces gens qui pleurent et gens qui rient, chargés comme trois dromadaires. Je vous donne ce portrait pour ce qu'il vaut. Si vous en avez un meilleur à ma disposition, écrivez-moi poste restante. Fin du chapitre 1, lu par Ezoa, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 2 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couélac. Chapitre 2. Relativement aux portières. La différence que l'on a signalée dans l'attitude du portier vis-à-vis des locataires, pendant les 11 premiers mois de l'année et pendant le dernier, est d'une vérité éternelle. Elle a déjà donné naissance à bien des tartinettes dans les petits journaux, à bien des articles de mœurs. Moi-même, je me reconnais coupable de quelques coups de plume sur ce sujet-là dans le Charivari et ailleurs. Mais, parce qu'une chose a été dite, est-ce une raison pour ne pas la redire? Où en serions-nous, grand Dieu, si ce principe était rigoureusement appliqué? Je me risque, je me lance, je pique une tête. Que ceux qui n'ont jamais répété ce qu'eux-mêmes ou d'autres avaient déjà dit me jettent la pierre. Je suis sûr de n'être pas lapidé. Il vous est sans doute arrivé, monsieur, d'avoir une portière acariâtre, une portière qui dit que vous n'y êtes pas lorsque votre maîtresse vient vous rendre visite et qui a soin de laisser monter vos créanciers. Une portière qui grogne lorsque l'hiver vous ouvrez sa porte pour allumer votre rat de cave. Une portière qui refuse de vous monter vos lettres et vos journaux. Une portière qui cancane dans le quartier lorsque vous ne faites pas venir au moins deux voies de bois sur la fin de l'automne. Une portière qui se plaint au propriétaire toutes les fois que vous rentrez après minuit. Une portière qui, par une pluie battante, vous laisse dans la rue pendant un bon quart d'heure parce qu'elle sait que vous êtes sorti sans parapluie. Une portière, enfin, qui vous apporte votre quittance le 8 avant 6 heures du matin dans l'espérance de vous surprendre en flagrant délit d'absence d'argent et de pouvoir en bavarder tout à son aise. Cette physionomie est malheureusement trop commune. Les petits savent se servir de tous les moyens qu'ils ont à leur disposition pour tyranniser à leur tour ceux qu'ils croient moins malheureux ou plus heureux qu'eux et auxquels ils portent envie. Ce sont de véritables représailles, représailles qui, si jusqu'à un certain point elles ne manquent pas de justice, manquent au moins de charité. Il y aurait un gros livre à faire sur cette tyrannie exercée par les petits contre les grands, depuis le garçon de café qui vous fait demander 10 fois une bouteille de bière jusqu'au cocher de fiacre qui, après vous avoir déposé sur le trottoir, vous éclabousse en passant pour bien protester contre votre supériorité. Mais nous ferons ce livre-là une autre fois. Revenons à notre thèse. Voyez votre portière acariâtre pendant la dernière quinzaine de décembre. Sa figure s'est déridée, un large sourire allant d'une oreille à l'autre, un sourire à poste fixe égaye sa physionomie. Elle vous fait des révérences quand elle vous rencontre dans l'escalier. Elle vous éclaire jusqu'à votre carré. Elle vous demande des nouvelles de madame votre mère et de monsieur votre oncle. Elle vous remet vos lettres aussitôt que le facteur les a apportées. Elle vous ouvre la porte au premier coup de marteau. elle vous ramène votre chat qui s'était égaré. Elle fait tout haut votre éloge à votre blanchisseuse et à votre porteur d'eau. Ce n'est plus la même femme. Mais ne vous hâtez pas trop de la prendre en affection. Cela ne durera pas. Laissez passer les étrennes, et vous retrouverez votre mégère plus insupportable encore et plus cruelle qu'auparavant. Car quelque grande et quelque inespérée qu'ait été votre générosité à son égard, elle trouvera toujours que vous ne lui avez pas donné assez. Et l'amabilité naturelle de son caractère s'accroîtra de toute la rancune qu'elle en aura conservée contre vous. Le meilleur conseil que j'ai alors à vous donner, mon cher monsieur, c'est de quitter la maison au plus vite. On n'est heureux à Paris qu'à la condition de déménager tous les ans. Premièrement, à cause de la garde nationale. Deuxièmement, à cause des portières. Vous voilà averti. Maintenant, tant pis pour vous s'il vous arrive malheur, ô monsieur. Fin du chapitre 2. Lu par Ezoie, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 3 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couellac. Chapitre 3. Relativement au garçon de café. Même observation que ci-dessus. Ordinairement, les garçons de café, avec leur chevelure en édifice, leur taille cambrée et leur cravate carcan, affectent des petits airs dédaigneux qui leur vont fort mal. On dirait qu'ils s'estiment comme étant bien supérieurs à ceux qu'ils sont obligés de servir. Ils ne semblent vous apporter qu'à regret ce que vous leur avez commandé. Leur regard est de haut en bas et leur servilité insolente. Mais entrez dans un café au premier de l'an. Les garçons ont déposé leur manière rogue. Ils sont complaisants et affables. Ils vous offrent le journal que vous préférez. Si vous êtes républicain, vous êtes sûr que le national sera devant vous en même temps que votre bavaroise. Si vous êtes ministériel, voilà le messager. Au légitimiste, la quotidienne. À l'homme qui a du ventre, les petites affiches. À l'amateur de scandales et d'émotions fortes, la gazette des tribunaux. Mais soyez tranquille, vous payerez tout cela. Voilà que l'on vous présente une petite corbeille dans laquelle se trouve un cornet de dragée. Si vous êtes habitué de l'endroit, vous ne pouvez vous empêcher de mettre la main à la poche. Si vous n'êtes pas habitué, vous avez peur de passer pour un ladre et vous mettez également la main où vous savez. Il y a des provinciales qui, ne connaissant pas les usages de Paris, croient que le cornet de bonbons est une galanterie faite par l'établissement aux consommateurs et le mettent sans façon dans leur sac. Elles sont toutes étonnées ensuite qu'on leur compte le prix du cadeau et que leur carte s'en trouve augmentée d'autant. Cet inconvénient aurait déjà dû être signalé dans le guide du voyageur à Paris. Les pingres et les avares, ceux qui connaissent les résultats du cornet de bonbons et qui les redoutent, se gardent bien de le toucher seulement du bout du doigt. Ils aimeraient mieux ne pas manger une seule praline de leur vie que de les payer si fort au-dessus de leur valeur. Lorsque l'un de ces pingres a amené un enfant avec lui, la galerie jouit d'un spectacle fort curieux. L'enfant, par une gourmandise bien naturelle, tourne sans cesse les yeux vers le cornet de bonbons et cherche à y porter les mains. Le père, qui sait qu'à ce jeu-là, qui touche mouille, n'est occupé qu'à éloigner de lui l'objet de son attention. Cette comédie dure ordinairement jusqu'à ce que les rires de l'assemblée avertissent le plus vieux des deux acteurs qu'il est temps de baisser la toile et de battre en retraite. L'enfant sort en pleurant, et le père en maudissant la gloutonnerie du jeune âge. Après le 15 janvier, le café rentre dans son état naturel. Les garçons sont tout aussi gourmés qu'auparavant, et ils reçoivent plus mal encore que de coutume les habitués qui n'ont pas été assez généreux et ceux qui ont cru devoir, par mesure d'économie, s'exiler de l'établissement pendant une quinzaine. Cette dernière tactique est des plus maladroites. En l'employant, on ne fait que révéler son avarice et donner aux garçons l'occasion de prendre leur revanche. Est-ce qu'ils n'ont pas mille moyens de vous martyriser lorsque vous revenez au bercail? Ils rient entre eux lorsque vous entrez. Ils vous servent le café froid. Ils font semblant de ne pas entendre lorsque vous demandez un journal. Ils font tomber votre chapeau en passant. Ils vous laissent entre les mains votre parapluie tout dégoûtant de pluie. Ils donnent à un autre, comme par mégarde, votre paletot tout neuf et vous en laissent un vieux à la place. Croyez-moi, si vous êtes assez possédé de l'amour des caisses d'épargne pour refuser de payer un tribut auquel personne ne devrait se soustraire, changez de café tous les ans et n'allez pas vous remettre de gaieté de cœur entre les mains de vos bourreaux. Je vous dis cela dans l'intérêt de votre santé. Je connais un vieil harpagon qui a déjà fait ainsi une grande partie des cafés de Paris. Il va prendre dans ce moment-ci sa demi-tasse à près d'une lieue de son domicile. Il demeure place royale et fait tous les soirs le voyage de la rue de l'Odéon. Il use ses souliers, ses jambes et sa poitrine, mais au jour de l'an, il s'épargne la douleur de donner une pièce de 40 sous au garçon de café. Fin du chapitre 3. Lu par Ezoy, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 4 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couellac. Chapitre 4. Relativement au tambour de la garde nationale. Si vous êtes susceptible de figurer dans les rangs de la milice citoyenne, vous devez déjà connaître tous les inconvénients auxquels cette institution nous expose. Premièrement, acheter un uniforme. Deuxièmement, se coiffer d'un bonnet à poils si l'on est bel homme. Troisièmement, quitter son vêtement ordinaire pour se déguiser en tourlourou citoyen. Quatrièmement, perdre tous les mois une journée d'affaires ou de plaisir pour la passer au corps de garde. Cinquièmement, passer également une nuit dans le même corps de garde, sur un lit de camp, tout habillé, loin de sa femme. Nous répétons, loin de sa femme. Et nous n'en disons pas davantage. Seulement, nous voudrions trouver une inflexion de voix arnalesque pour faire valoir le mot. Sixièmement, monter la garde devant la mairie ou à la porte des cuisines de M. de Rambuteau. Septièmement, patrouiller par une pluie battante et se colleter avec des ivrognes qui vous font rouler avec eux dans le ruisseau. Huitièmement, passer devant sa maison à minuit et demi et voir deux silhouettes amoureuses se dessiner sur les blancs rideaux de sa chambre à coucher. Neuvièmement, être condamné par le conseil de discipline à 48 heures de haricots pour avoir été faire une partie de domino pendant sa faction. Dixièmement, aller aux funérailles de Napoléon ou à toute autre cérémonie par un froid de 19 degrés et revenir avec un doigt du pied gelé et un bras droit sans connaissance. Onzièmement, accompagner la voiture du roi jusqu'à Neuilly comme garde nationale à cheval, se jeter trois ou quatre fois par terre sur la route à la grande joie des hussards et des dragons de l'escorte, et arriver avec un cheval fourbu, éreinté, couronné, que le maître de manège, auquel vous l'avez loué, vous fait payer quatre fois sa valeur. Douzièmement, recevoir, en exécutant les mouvements de « porter armes », la crosse du fusil de votre voisin dans l'estomac et l'extrémité inférieure de son sabre dans les mollets. Treizièmement, tourner par « le flanc droit » quand on a commandé par « le flanc gauche » et être forcé d'accepter à bout portant les sarcasmes de tout un bataillon d'infanterie réuni dans la cour des Tuileries. Quatorzièmement, être commandé par son cordonnier ou par son concierge. Quinzièmement, rester enfermé pendant 24 heures dans un poste sans boire ni manger, parce que la police croit savoir que l'anarchie va encore une fois relever sa tête hideuse, et puis apprendre que la police s'est trompée et rentrer chez soi dans un état tout à fait délabré. Eh bien, mon cher concitoyen, si vous n'êtes que de la dernière réquisition, si vous ne faites partie de la garde civile que depuis un an, vous ne connaissez pas encore l'un des plus grands agréments de cette admirable institution. Au 1er janvier, vous êtes arraché au sommeil dès 7 heures du matin par un horrible roulement de tambour. Vous vous réveillez en sursaut, croyant que le feu est à la maison ou que l'émeute en haillons se promène dans les rues. Ce n'est point cela. Votre femme de ménage vous rappelle avec un petit sourire agaçant qu'une nouvelle année vient de commencer, et elle vous apprend que ces tambours sont là pour donner une aubade à un capitaine citoyen qui demeure dans la maison. Vous vous recouchez, pestant contre le premier de l'an et contre les tambours. Imprudent qui vous recouchez si tôt! Votre tour va venir. À peine commencez-vous à vous livrer de nouveau aux douceurs d'un dernier sommeil que l'on frappe de main de maître à votre porte. Ce sont les deux tapins de votre compagnie qui se sont détachés de l'escouade et qui accourent d'un air empressé pour vous offrir leurs vœux. Ils entrent, se posent militairement, mettent une main au shako, l'autre à la couture de la culotte, et vous offrent un petit compliment écrit sur papier à tête colorée, et qui est à peu près conçu ainsi. Si tous les jours sur notre caisse, pour vous, nous faisons des rats et des flats, aujourd'hui notre cœur bat de tendresse vraiment encore plus fort que ça. Cette poésie vous touche, et vous ne pouvez vous empêcher de tirer de votre escarcelle 10 francs, qui ne tarderont pas à être dépensés au cabaret. La peau d'âne a toujours soif. Ne fait-elle pas un peu partie de la musique? Et les musiciens ont, comme les Polonais, la réputation d'être les plus fidèles servants du dieu Bacchus. Ne vous recouchez pas, malheureux, ne vous recouchez pas! Il faudrait vous lever de 5 minutes en 5 minutes. Voilà la kyrielle des souhaits qui vous arrive. D'abord, c'est votre femme de ménage qui se jette à votre cou, vous force à l'embrasser et vous caresse désagréablement le menton avec ses moustaches. Si. 15 francs. Puis, c'est le porteur d'eau qui vous salue en auvergnat et, dans son embarras rustique, vous marche sur le pied avec ses gros souliers ferrés. Nota bene, vous avez 2 corps. Si. 5 francs. Puis, c'est le facteur qui vous poursuit depuis 15 jours sans pouvoir vous rencontrer et qui vous offre son almanach de 3 sous. Si. 5 francs. Puis c'est votre neveu qui est au collège et qui vous apporte une pièce de vers latin. Si. 10 francs. Puis c'est le porteur de votre journal qui vous la promet bonne et heureuse. Si. 5 francs. Puis c'est... Mais je n'en finirai pas si je voulais énumérer toutes les visites dont vous allez être accablé dans cette journée néfaste. L'addition aurait quelque chose d'effrayant, et j'ai toujours reculé devant les additions, surtout lorsqu'elles ne se faisaient pas à mon profit. Fin du chapitre 4, lu par Ezois, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 5 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couellac. Chapitre 5. Le jour de l'an des petits ménages. Dans le grand monde, on trouve, le premier de l'an, l'occasion de se faire des cadeaux sans utilité réelle, de se donner des futilités d'un haut prix, des babioles coûtant gros. La menue bourgeoisie a réduit le jour de l'an à une question de renouvellement du mobilier, de toilette ou de garde-manger. On profite de ce jour-là pour se remonter un peu de tout. On remplace les manteaux fanés, les brodequins usés et les porcelaines cassées. Mais pour conserver la tradition, chacun des 2 époux fait semblant de donner à l'autre ce qu'il a, en réalité, acheté pour la communauté, et quelquefois, ce qu'il a acheté pour lui-même. Il n'est pas rare de voir se passer, au 1er janvier et dans maintes alcôves parisiennes, des scènes dans le goût suivant. Il est 6 heures. Le mari se réveille le premier. Il jette un coup d'œil sournois du côté de sa femme, s'aperçoit qu'elle dort encore, fait un petit mouvement d'impatience et remet la tête sur l'oreiller. 6h30. La femme se réveille à son tour, jette un coup d'œil sournois du côté du mari, s'aperçoit qu'il dort, fait un petit mouvement d'impatience et remet la tête sur l'oreiller. 7h. La femme et le mari se réveillent en même temps, lèvent la tête, se rencontrent, nez à nez, se mettent à rire, puis s'embrassent. Chacun d'eux a, la veille, caché ses petits cadeaux sous le lit, de son côté, et à l'insu du conjoint. La femme tire de la ruelle un chapeau rose et dit en battant des mains « Tiens, mon ami, vois-tu ce joli chapeau que je me suis acheté pour toi ?» Le mari produit à son tour un gilet en cachemirienne et dit en se caressant le favori « Ami, cher ami, vois-tu le joli gilet que je me suis acheté pour toi ?» La femme montre un tartan anglais. Même refrain. Le mari met au jour un cachet de montre. Même refrain. Et ce manège continue jusqu'à épuisement complet des objets qui ont été achetés pour donner, pendant une année entière, un nouveau lustre au petit ménage. Les enfants arrivent avec leurs compliments écrits par leur maître d'école. Ils se précipitent sur le lit en récitant, comme des perroquets, les sottes banalités de circonstances qu'on leur a apprises. Le père et la mère pleurent d'abord de joie, comme c'est l'habitude, puis ils leur donnent des blouses, des casquettes, des demi-douzaines de chemises. Voilà ce qui s'appelle entendre l'économie domestique et savoir faire marcher de concert l'ordre et les folles dépenses. Fin du chapitre 5. Lu par Ezois, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 6 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couëlac. Chapitre 6. Le jour de l'an des Lorettes. Nous nous trompions tout à l'heure en disant que c'est dans le grand monde seulement que l'on a conservé l'habitude de donner, au jour de l'an, des futilités d'un grand prix. Cette coutume s'est maintenue aussi dans un certain bas monde. Nous voulons parler du monde des Lorettes. Toutes ces dames qui habitent entre la rue Lafitte et la barrière blanche ont la prétention d'imiter les dames du haut parage, et comme celles-ci font dégarnir à leur profit, au jour de l'an, les boutiques des joailliers et des marchands de cachemire, les Lorettes se croiraient déshonorées si elles ne se faisaient pas couvrir de bijoux et de châles nouveaux du 1er au 15 janvier. Le 1er janvier, voilà le moment que les protecteurs et les amants de cœur redoutent le plus. Nous avons dit « les amants de cœur ». Que cela ne vous étonne pas. Jusqu'ici, nous avions cru, comme vous, que les amants de cœur étaient des êtres aimés pour eux-mêmes, et auxquels on ne demandait que des soupirs et des nuits d'ivresse. Mais une Lorette, et l'une des plus expérimentées, nous a dernièrement détrompés. Dans un souper où nous nous trouvions, et où elle tenait le haut bout de la table, elle professa un cours complet de lorettanisme, et nous apprit qu'une véritable citoyenne de la rue Neuve-Bréda et lieu circonvoisin avait ordinairement affaire à 3 individus. Nous nous récriâmes un peu contre le nombre, mais la Lorette nous prouva qu'il n'y avait rien d'exagéré. « Car, nous dit-elle, ces attachements sont de diverses natures et ne participent pas tous de l'élément actif. Les uns sont de rapport, les autres de plaisir. Or, le plaisir seul fatigue quelquefois. Mais on reçoit toujours les cadeaux et les bienfaits sans que la main se lasse. » Cette explication, une fois admise, elle nous fit ainsi la portraiture des 3 individus. Premièrement, le protecteur. Banquier, négociant en suif, maréchal de camp du génie, receveur général, président de cour, qui donnait par mois une somme assez ronde et se chargeait ainsi de toute la grosse dépense de la maison. Deuxièmement, l'amant de cœur, ou Arthur, membre du jockey-club, auteur, journaliste, fils de famille à ses débuts, peintre ou quart d'agent de change, qui payait les chapeaux, les robes d'été, les brodequins et les parties de campagne. Troisièmement, je ne sais pas trop si je dois mettre le mot en circulation, mais enfin c'est de la statistique. Le greluchon, petite flûte de l'orchestre du cirque olympique, étudiant en droit, qui n'a de ses parents que 600 francs par an, rapin d'atelier de 15e ordre, clerc d'huissier, sous-officier de hussards, commis marchand. Le greluchon n'est forcé à aucun sacrifice, bien au contraire. Greluchon, venant de grelu, me semble un mot énergique bien trouvé, bien senti. J'ai cru devoir le recueillir pour l'instruction de la postérité. Ceux qui, dans quelques siècles, étudieront les mœurs de notre époque, me sauront peut-être quelques grés de ce soin. Je ne demande pas pour récompense le moindre monument dans ma ville natale. Donc, le protecteur et l'amant de cœur sont, au 1er de l'an, les 2 victimes de la Lorette. Comme elle ne les trouve jamais assez prodigues, et qu'effectivement, à notre époque, les bourses ne s'ouvrent qu'avec la plus grande difficulté, elle profite de la solennité pour leur extorquer un appoint raisonnable à son traitement plus ou moins régulier de l'année. Il n'y a pas de ruse et de manège qu'elle n'emploie pour arriver à son but. Il lui faut non seulement des cadeaux, hélas, que le monde de piété engloutira bientôt, mais il lui faut de l'argent, et de l'argent comptant. Elle est toujours si besogneuse. Voici le moyen qu'elle emploie pour s'en procurer. Toute Lorette a parmi ses connaissances les plus intimes une revendeuse à la toilette, espèce d'âme damnée qui se charge de billets doux pour elle, ménage les rendez-vous, lui achète ses parures neuves, lui cède, au prix coûtant, de vieux falbalas, et s'enrichit presque toujours à ce commerce. Le 31 décembre, la revendeuse arrive au moment même où le protecteur est là. Elle étale ses marchandises. La Lorette minaude. Le protecteur dépense 1000 écus, et après son départ, la revendeuse donne sous main 1500 francs à la Lorette et des bijoux faux qu'elle montrera à la place des bijoux fins qu'on lui a offerts. C'est de la spéculation en partie double. Pour les Lorettes,

à Monsieur Dépagny, des sociétaires doux comme des moutons, à notre armée d'Afrique, la prise d'Abdelkader, aux personnes qui craignent l'eau, un parapluie, aux canotiers de la Seine, des leçons de natation, aux pensionnaires de Charenton, la raison, à certains faiseurs de vers, la rime et la raison, à Mehemet Ali, le trône des sultans, à notre flotte du Levant, une rencontre avec les Anglais, à M. Guizot, un abonnement d'un an au Charivari, à M. Martin du Nord, l'héritage de M. Pasquier, à M. Dupin, la présidence de la Cour de cassation, à M. Thiers, l'hôtel des affaires étrangères, à l'empereur Nicolas, Constantinople, à M. de Metternich, la tranquillité sur ses vieux jours, à la reine Victoria, une chaumière et son cœur, aux Chinois, de l'anti-opium, au Cobourg, des princesses bien dotées, au général Pexan, un mortier très monstre, à M. Granier de Cassagnac, la députation ou au moins la délégation, au droit, la continuation des annonces judiciaires, au bazar Bonne Nouvelle, des visiteurs, à tous nos prisonniers, la clé des champs, à tous les amis de la joie, un bon carnaval, à l'obélisque de Luxor, une autre place, aux culotteurs de pipes, du tabac non poison, aux amateurs de la danse légère, la physiologie du cancan et de la cachucha, à tous les maris rassurés, la physiologie du prédestiné, à tous ceux qui cherchent de l'esprit, la physiologie du calembour, aux amateurs d'hiéroglyphes, la physiologie de la charade et du rébus, à Mademoiselle Falcon, la voix de Mademoiselle Daubré, à Mademoiselle Daubré, l'âme de Mademoiselle Falcon, à M. Soumet, la plume de Corneille, à Mademoiselle Anaïs, l'âge de Mademoiselle Dose, à Mademoiselle Dose, le talent de Mademoiselle Anaïs, à la Comédie Française, une demoiselle de Belle-Île et un verre d'eau, au fashionable de 18 ans, une meilleure santé, à l'éditeur de la Physiologie de l'Opéra, la troisième édition à 15 000 de ce délicieux petit livre, à tous les contes polonais, des infantes espagnoles, à M. Adolphe Adam, la réputation d'Aubert, à un petit duc, l'épée de Napoléon, à tous les lions, une bonne panthère, à Monseigneur l'évêque d'Évreux, l'archevêché de Paris, à l'église Saint-Roch, un curé Olivier, à tous les malades, la physiologie du carnaval pour les guérir, à tout le monde, 12 000 livres de rente, et maintenant, servez chaud, les consommateurs seront contents. Fin du chapitre 8, lu par Ezoy, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 9 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couélac. Chapitre 9. Les femmes et les enfants. C'est pour les femmes et pour les enfants que le premier de l'an est une belle époque. Il leur est donné de jouer alors le plus beau rôle que l'avare le plus insatiable ait jamais rêvé, celui qui consiste à recevoir toujours sans jamais donner. À ce métier, un gouffre même se remplirait bientôt. Mais heureusement, la fête ne dure que 15 jours. 15 jours qui suffisent à peine à satisfaire tant d'avidité haletante. Mais le bonheur n'est pas là, car la jouissance amène bientôt la satiété et le dégoût. Le bonheur est dans le mois qui précède les étrennes. C'est le mois de l'attente et de l'espérance. On passe tout ce temps-là à songer aux douceurs d'un avenir prochain. On voit d'avance les cadeaux que l'on doit recevoir. On s'adresse des questions dans le genre suivant. Que m'apportera mon cousin Alfred? Que me donnera mon oncle Pluchonneau? Et ma tante Barnabée? Et mon grand-père? Et mon parrain? Et ma sœur? Et les réponses ne manquent jamais d'être en correspondance parfaite avec les vœux du questionneur. Trop souvent, hélas, l'événement vient donner un démenti à ces brillantes prévisions. Mais on n'en a pas moins vécu d'illusions pendant un mois entier. Et l'illusion fait compensation au déficit de la réalité. Fin du chapitre 9. lu par Ezoie, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 10 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couëlac. Chapitre 10. Cadeaux intéressés. Il y a de nos jours des gens qui fourrent la spéculation partout. Ils sont parvenus à en mettre même un peu dans des actes qui devraient être de pure libéralité. Certains bourgeois disent à leurs femmes, la veille du premier de l'an, « Je vais me dépêcher d'aller porter mon cadeau à notre voisine, Madame Saint-Faurien. Je lui achèterai cette année quelque chose de très bien. Je veux que Monsieur Saint-Faurien se pique d'honneur et qu'il te donne quelque chose de mieux encore. Ce sera tout profit. » Et il offre à Madame Saint-Faurien une broche de 100 francs. Alors, Monsieur Saint-Faurien dit de son côté à sa femme, « Décidément, notre voisin a fait des folies. Il se fâcherait peut-être si je voulais avoir l'air de lutter de générosité avec lui. Je vais offrir à sa femme un petit cadeau sans conséquence. Ce sera de bon goût. » Et il porte à la femme de son voisin un nécessaire de 4 francs 10 sous. « Vous voyez d'ici l'effet de la scène ? C'est à peu près 100% que perd le bourgeois. S'il faisait souvent de pareilles affaires, il serait bientôt ruiné. Aussi jure-t-il, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendra plus. » Ce coup de théâtre se produit assez fréquemment dans le monde. Un ménage donne un service en porcelaine de Sèvres et reçoit une paire de bretelles. Un ménage donne un sucrier en vermeil et reçoit une robe d'indienne. Un ménage donne une montre à répétition et reçoit un poussa de carton-pierre. Un ménage donne une chaîne d'or et reçoit un passe-lacet en argent. Un ménage donne un service de table en plaqué fin et reçoit une boîte d'allumettes chimiques allemandes en acajou avec sujets allégoriques. Un ménage donne un bœuf et reçoit un œuf. On conviendra que ce système d'échange n'est profitable qu'à l'une des deux parties et ressemble fort à celui que l'Angleterre a coutume de mettre en usage vis-à-vis de ses chers alliés. Fin du chapitre 10. Lu par Ezoie, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 11 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couëlac. Chapitre 11. Cadeau du cœur. Le jour de l'an est très utile aux amoureux. Il sert de prétexte à une infinité de rapprochements plus agréables les uns que les autres. Un jeune homme bien timide n'a pu que presser la main de celle qu'il aime, surveillé qu'il était par l'œil sévère d'une mère ou d'une tante. Voilà le jour de l'an. Il peut baiser Lucie sur les deux joues. Comme il est rouge, comme il est tremblant, comme il est heureux. Hélas, pauvre jeune homme, le temps viendra trop vite où tu ne te contenteras plus de ces baisers-là. Monsieur Ludovic est premier clerc de notaire. Madame Lucenay, la femme de son patron, a des bontés pour lui. Elle l'a assez aimé dans un certain moment, pour que les anges aient été obligés de se voiler la face, comme disent les femmes auteurs, lorsqu'elles arrivent au passage scabreux de leur roman et de tout roman. Monsieur Ludovic et Madame Lucenay n'ont pas toutes leurs aises. Quoiqu'en général un notaire ne soit pas un mari très gênant, il y a cependant des convenances à garder, et la prudence la plus vulgaire indique certaines précautions auxquelles il est bon de s'astreindre. Ludovic profite de l'occasion du jour de l'an pour afficher toute l'ardeur de son amour. Il offre à Madame Lucenay un « souvenir » qui, au premier abord, n'a rien de bien extraordinaire. Mais pressez un ressort et vous trouverez dans le fond une petite miniature représentant Héloïse et Abélard. Comme c'est touchant! Madame Lucenay, Héloïse, Ludovic, Abélard. Mais entendons-nous bien. Abélard jusqu'à l'instant fatal. Le mari n'a vu que le souvenir. Il ne connaîtra pas le ressort. Héloïse et Abélard sont en sûreté. Plus en sûreté qu'auprès de ce damné chanoine Fulbert. C'est ainsi que, sous un acte de politesse banale, peut se cacher l'expression des sentiments les plus tendres. et les billets doux placés au fond des sacs de bonbons, et les devises combinées avec intention pour produire un sens, et les romances en guise de déclaration d'amour enveloppant un bâton de sucre de pomme de Rouen, et les mots jetés à l'oreille entre deux embrassades. Bartholo devrait adresser une pétition aux chambres pour faire rayer le premier de l'an de l'almanach. Le premier de l'an est le plus dangereux ennemi des maris et des tuteurs. Il recèle dans ses flancs plus de trahison que le fameux cheval de Troie. Fin du chapitre 11. Lu par Ezoy, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 12 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couélac. Chapitre 12. Les nourrices à domicile. Si nous mettons de côté la question d'économie, certes, il est fort agréable d'être père. On se reproduit dans un être fait à son image, ou à peu près, et on est daguerréotypé au naturel. Mais ce bonheur a bien des inconvénients, et parmi eux, nous rangerons en première ligne la nécessité d'avoir une nourrice à domicile. Nous disons à domicile, car nous vous croyons bon père, cher lecteur. Nous croyons que vous n'envoyez pas votre enfant à 30 ou 40 lieues de vous, et que vous le gardez à vos côtés. Introduire une nourrice dans sa maison, c'est y introduire la peste. Elle devient la maîtresse du logis. Si on ne fait pas toutes ses volontés, elle feint d'être malade. Effrayé pour la santé de votre héritier, vous cédez, et ce sera le lendemain à recommencer encore. Tout ce qu'elle trouve sous sa main lui appartient. Fichu, robe, bague, collier, tout est de bonne prise. À peine entend-elle votre femme ouvrir un tiroir, qu'elle court et se met à demander tout ce qu'elle voit avec ce ton suppliant de paysanne qui ressemble si bien à une menace. Et puis, elle fait des paquets et expédie le tout à son homme. Elle veut, quand elle retournera au village, trouver sa garde-robe bien montée. Le jour de l'an, la nourrice est levée dès l'aurore. Elle enveloppe le mioche dans sa plus belle layette, elle lui met son bonnet le plus coquet, elle lui lave la figure plus artistement que de coutume, et le porte au lit de monsieur et de madame. Elle a soin d'arriver la première, pour trouver votre générosité encore toute fraîche et dans sa première peau. Il faut payer le tribut. Et ne croyez pas que lorsque votre fils mangera sa soupe tout seul et que la nourrice sera sortie de chez vous, vous serez débarrassé de sa présence. Non. À tous les premiers de l'an, elle viendra voir son petit. Vous savez ce que cela veut dire. Si vous avez eu 5 ou 6 enfants, vous aurez chaque année la visite de 5 à 6 nourrices. L'impôt augmentera en raison de l'augmentation de votre postérité. Si les patriarches, qui avaient beaucoup d'enfants, avaient connu ce genre de contribution forcée, ils auraient été ruinés de fond en comble et en bien peu de temps. On a oublié de compter les nourrices sur lieu parmi les plaies d'Égypte. Elles doivent avoir le numéro 8. Je le leur décerne avec le plus grand plaisir. Mais je leur refuse absolument ma bénédiction. Tous les pères sensibles me comprendront. Fin du chapitre 12. Lu par Ezoy, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 13 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couélac. Chapitre 13. Les cartes de visite. Je ne sache pas d'habitude plus sotte que celle qui consiste à s'envoyer d'un quartier à l'autre des petits morceaux de carton qui ressemblent aux contremarques que l'on prend à la sortie des théâtres. Je comprends une visite. C'est une marque de déférence ou d'amitié. On se voit, on se parle, on renouvelle connaissance. On conçoit même, à la rigueur, le nom laissé chez le concierge, quand on n'a pas trouvé la personne qu'on cherchait. C'est une promesse de revenir une autre fois. Et puis, au moins, l'on s'est donné la peine de faire la course. Mais je ne comprends pas ces cartes de visite envoyées par la petite poste ou par l'entreprise du colportage parisien. Port, 1 centime. Qu'est-ce que cela signifie? Que voulez-vous dire par là? Que vous vous souvenez des gens? Mais il y aurait une manière bien plus honnête de le leur témoigner. Ce serait de monter leur escalier et d'aller frapper à leur porte. Si vous ne le faites pas, c'est qu'ils vous ennuient ou que vous avez peur de les ennuyer. Vous feriez mieux de rompre en visière que de conserver des relations aussi peu agréables. Du reste, cette formalité des cartes de visite commence à être appréciée à sa juste valeur. Beaucoup d'hommes de bon sens ont secoué le joug. Les gens qui sont encore retenus par un faux scrupule se mettent fort à leur aise. Ils se contentent de copier les noms de ceux qui les ont traités ainsi et leur répondent par la même voix. Aucun font faire ce travail par leur concierge et ne se donne pas même la peine de jeter un coup d'œil sur la liste. Quelques faux lions, de ceux qui gagnent 1200 francs par an aux messageries ou à l'octroi, de ceux qui aiment à faire étalage d'amitiés aristocratiques, ont spéculé sur cette négligence. Au jour de l'an, ils envoient des cartes à des ducs, à des marquis, à des chargés d'affaires, et reçoivent en échange celles de ces messieurs. Puis ils mettent en montre ces témoignages de haute liaison. Vous êtes tout étonné de trouver chez M. Amédée Larigot, employé de l'administration du balayage, la carte de M. le comte de Mortain ou celle de M. l'ambassadeur de Mecklembourg-Poupfen. Il se l'est procuré par cette ruse ingénieuse. M. Victor Hugo ne se doute guère qu'au mois de janvier 1841, il a adressé sa carte à 7000 apprentis poètes, à 12000 femmes de lettres, et à 63000 rapins. Ô grands hommes du monde et du Parnasse, soyez plus avares de vos morceaux de carton. Vous ne savez pas jusqu'à quel point ils peuvent vous compromettre. C'est avec cela que l'on obtient crédit chez les fournisseurs. On dit à son tailleur, « Patientez encore un peu, mon cher. Mon drame va être reçu à la porte Saint-Martin. Vous voyez bien que M. Alexandre Dumas m'a envoyé sa carte. » Et l'on dit à son restaurateur, « Tiens, petit, voilà la carte de M. le duc de la Roquefeuillade. Ma nomination aux fonctions de consul à Haute-Haïti est certaine. Tu vois bien que tu peux me faire encore crédit pendant un mois. » Si Robert Macaire écrit jamais ses mémoires, il n'oubliera pas ce chapitre-là. Fin du chapitre 13, lu par Ezoy, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 14 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an par Louis Couélac. Chapitre 14. Le boutiquier. Le boutiquier ne dort pas sur un lit de rose, croyez-le bien. Il occupe le rez-de-chaussée de la vie, et c'est toujours à lui que l'on s'adresse lorsque l'on a quelque chose à demander. Le gouvernement s'en prend surtout à lui de préférence. Il en fait sa bête de somme. Le boutiquier monte la garde, tient la rue propre, paye patente, embellit la ville grâce au clinquant de sa devanture, reçoit dans ses carreaux les coups de poing des émeutiers, etc., etc., etc. Viennent les grandes occasions, et vous trouverez encore le boutiquier au premier rang des souffre-douleurs. Aux fêtes publiques, il est obligé de fermer, et il perd une journée de vente, sans compter qu'il contribue pour la plus forte part aux frais des réjouissances publiques. Au premier de l'an, toute cette meute de solliciteurs qui se ruent sur la bourse d'autrui court d'abord chez le boutiquier. C'est lui qui supporte le premier assaut, le premier feu. Il a affaire à l'allumeur du gaz, au concierge, au balayeur, etc., etc. Il se tient pour bien heureux quand il lui reste de quoi aller avec sa famille dîner à 40 sous par tête au Palais Royal. Les dîners à 40 sous et les spectacles idem, tels sont les plus grands plaisirs du boutiquier, et qu'il ne goûte qu'au jour de gala. Fin du chapitre 14, lu par Ezoy, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 15 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couélac. Chapitre 15. L'Église. Il ne serait pas décent que les serviteurs laïcs de l'Église demandassent leurs étrennes aux fidèles pendant les solennités religieuses. Il y aurait là scandale et profanation. mais les gens de sacristie ont de l'imagination, surtout quand il faut faire appel à l'escarcelle du chrétien. Ils ont tourné la difficulté. Ils font leur petit commerce hors de l'enceinte sacrée. Le 1er janvier, le Suisse, en grande tenue et accompagné de deux innocents enfants de cœur, va frapper aux portes, offrir du pain béni et recevoir les offrandes des fidèles dans un beau plat d'argent. Il ne dit plus cette fois « pour les besoins du culte » ou « pour les pauvres, s'il vous plaît ». Il ne dit rien, et ce silence est fort significatif. Ce jour-là, le Suisse n'est pas intolérant. Il va frapper à la porte de l'impie comme à celle du dévot. Il accepte l'argent voltairien aussi bien que l'autre. Il dit que les pièces de 100 sous ne sont jamais hérétiques, et qu'on peut entrer en communication avec elles sans danger pour son âme. Le Suisse dépose alors ce ton rogue et d'un orthodoxisme un peu hautain qu'il déploie ordinairement sur les dalles du temple. Il est riant, aimable et presque bon enfant. Il prend le menton de la bonne de la maison et frappe le plancher de sa grande canne pour amuser les enfants. Sa récolte est toujours assez bonne. On se laisse ordinairement fasciner et séduire par ce grand habit brodé qui s'humilie ainsi devant vous pour quelques pièces de monnaie. L'orgueil est inné dans le cœur de l'homme. Je ne veux point prétendre que dans ces excursions intéressées, le Suisse soit toujours sûr de trouver une réception cordiale et bienveillante. Non. Il rencontre quelquefois des disciples de l'école encyclopédique qui le reçoivent d'une façon un peu sauvage. Alors, il met à couvert sa dignité à force de grands airs. Il se place sous la sauvegarde de son dédain. Mais il se garde bien d'entrer en controverse. Lorsqu'il tombe sur quelque disputeur enragé qui veut à toute force entamer la polémique, le Suisse se contente de lui jeter un coup d'œil du haut en bas avec ces mots. « Ah, si monsieur le curé était là !» En effet, lui n'est que le bras de l'Église. C'est monsieur le curé qui en est la langue. Le Suisse est logique. Il est très facile d'admettre qu'on puisse se fâcher un peu, lorsqu'on voit les gens du cœur venir encore lever sur vous un impôt extraordinaire. On ne le paye que volontairement, je le sais, mais il n'en est pas moins vrai qu'il y a quelque chose de passablement insolent dans la demande qui en est faite. Le Suisse est de l'école des cochers de fiacre, des musiciens et des rats d'église, chantre, donneur d'eau bénite ou sacristain. Il aime beaucoup le cabaret. C'est là où il va engloutir une grande partie de ses profits ordinaires et extraordinaires, licites et illicites, quand toutefois sa moitié, la loueuse de chaises, n'est pas là pour opposer son veto. Fin du chapitre 15. Lu par Ezoa, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 16 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couëlac. Chapitre 16. Quelques réflexions d'une philosophie amère. Il y avait une fête à Rome, où les esclaves s'asseyaient à la table de leur maître et étaient servis par eux. C'était le jour des représailles. Les malheureux de la veille et du lendemain prenaient leur revanche contre les heureux de la veille et du lendemain. Le jour de l'an est chez nous une fête à peu près semblable. Quelque petit que l'on soit, on trouve toujours plus petit que soi. Il ne faut pas grand-chose maintenant, en France, pour passer pour un « gros », et l'on est aristocrate à bon marché. Le jour de l'an est la revanche des petits contre ceux qui sont plus gros qu'eux. Les petits fouillent dans la poche des gros, et les gros n'ont rien à dire. Les petits boivent, rient, s'amusent et chantent, tandis que les gros font tristement le compte de ce qu'ils ont donné et de ce qui leur reste. Les petits font, pendant 24 heures, un pied de nez aux gros, sauf à ceux-ci à le leur rendre pendant 11 mois et 29 jours, ce à quoi, à vrai dire, ils ne manquent guère, les impudents. Ma parole d'honneur, si l'on était très petit, cela donnerait l'envie de le devenir un peu, à la manière de ceux qui savent l'être. Mais quelle triste position que de paraître gros sans l'être effectivement,

Cependant, je me trompe. Il donne des étrennes extraordinaires. Il est vrai qu'elles ne lui coûtent rien. Elles sortent de sa plume et non de sa poche. S'il est journaliste ministériel, il souhaite au pays et à ses lecteurs, dans son numéro du 1er janvier, la continuation de l'heureux régime sous lequel nous avons le bonheur de vivre. S'il est journaliste de l'opposition, il souhaite au pays et à ses lecteurs, dans son numéro du 1er janvier, la fin du triste régime sous lequel nous avons le malheur de vivre. Vous voyez que cette générosité n'a rien de bien dispendieux. Fin du chapitre 19, lu par Ezoy, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 20 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couélac. Chapitre 20. Les dangers du jour de l'an. Au jour de l'an, calfeutrez-vous, barricadez-vous, restez chez vous. Tout homme qui met le nez dehors est perdu. Il devient la proie de tous ceux qui mendient, de tous ceux qui tendent la main, de tous ceux qui pitent et égorgent le pauvre monde. Prenez garde, suivez mon conseil, il est désintéressé. Suivez mon conseil, car vous risqueriez fort d'être mis en pièces comme feu Orphée, d'harmonique mémoire. Ah, vous ne m'écoutez pas. Ah, vous ne prêtez à mon avis qu'une oreille indocile et rebelle. Soit, monsieur. Allez, monsieur. Allez avec votre habit noir, vos gants blancs, votre jabot prétentieux et votre badine à pommes d'or. Vous prétextez le besoin de faire vos visites. Eh, mon Dieu, vous avez toute la semaine. Mais choisir précisément le jour de l'an, c'est se jeter de gaieté de cœur au milieu d'une fournaise ardente. Vous avez mille bonnes excuses à vous donner à vous-même. Dites-vous que l'émeute rugit dans les rues et dans les carrefours, et que vous ne voulez pas vous exposer aux balles des insurgés ou des soldats et aux coups de bâton des argousins vainqueurs. Dites-vous que le choléra a répandu par la ville son souffle empoisonné, et que vous pouvez être exposé à la contagion. Dites-vous qu'il pleut des hallebardes. Dites-vous qu'il fait un froid de 82 degrés, un froid pôle nord. Dites-vous tout cela, et vous aurez parfaitement raison vis-à-vis de vous-même. Car je vous le dis en vérité, ni l'émeute, ni le choléra, ni la pluie hallebarde, ni le froid pôle nord ne sont des fléaux aussi terribles qu'une sortie au jour de l'an. Rien ne vous touche, rien ne vous arrête? Vous êtes entêté comme un Alsacien. Partez, et bon voyage. Bon voyage? Que dis-je? Parole imprudente! Ah, ce n'est qu'un souhait, qu'un simple souhait! Il n'est pas en mon pouvoir de changer une mer orageuse en une mer calme et tranquille, et de faire que la rude Sibérie soit la molle et féconde Italie. Je n'ai pas cette puissance. Je ne suis qu'un pauvre et simple mortel. J'avertis. Ne m'en demandez pas davantage. Le reste est dans la main de Dieu. Que devenez-vous malheureux pendant cette imprudente traversée à travers les rues houleuses de Paris? Vous montez en omnibus, et le conducteur vous tend une petite tirelire ornée de faveurs roses. Comment refuser lorsque tant de regards sont fixés sur vous? Vous vous exécutez, et votre course de 60 centimes vous coûte presque aussi cher qu'une course de cabriolet. Vous comprenez enfin cette vérité, et vous prenez un cabriolet. Quand il s'agit de payer le cocher, il vous demande son pourboire du jour de l'an, et votre course de cabriolet du 1er janvier vous coûte aussi cher que deux courses de cabriolet en temps ordinaire. C'est convenu, tout enchérit ce jour-là. Au 1er janvier, la chose est connue, le ciel n'est pas d'un bleu de juillet. Bien souvent, il se couvre de nuages. La neige et la pluie, ces peu aimables hôtesses de nos peu doux climats, font de nos rues de véritables lacs. On ne peut mettre le pied dehors sans être aussitôt crotté jusqu'à la cheville. Et l'homme qui a le plus de précautions, l'homme qui marche avec le plus d'adresse sur la pointe du pied, ne parvient pas à éviter les éclaboussures. Conclusion, on est forcé d'entrer chez ces industriels qui,

et les dévouements les plus sûrs. Ayez besoin d'un service réel, et ils seront à vous, tandis que vos donneurs de belles paroles se retireront et vous fermeront leurs portes. Mais ainsi va le monde. On préfère les apparences à la réalité. Il y a longtemps que cela dure, et cela durera longtemps encore. Le poète l'a dit. Vieux soldats de plomb que nous sommes, au cordeau nous alignant tous, si des rangs sortent quelques hommes, nous crions vite « À bas les fous !» Fin du chapitre 22. Lu par Ezoy, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 23 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couélac. Chapitre 23. En province. En province, et surtout dans les villes de petit ordre, le jour de l'an est une véritable corvée pour le bourgeois le plus mince. Il faut rendre ses devoirs à toutes les autorités, à monsieur le sous-préfet, qui vous reçoit du haut de sa grandeur, à monsieur le commandant de gendarmerie, à monsieur le percepteur des contributions, à monsieur le conservateur des hypothèques, à monsieur l'inspecteur des tabacs, à monsieur le directeur des postes, etc., etc. On passe en revue toute l'administration. Cela ne suffit pas. Il s'agit maintenant d'aller frapper à la porte de tous ces co-bourgeois. Si l'on négligeait un seul d'entre eux, on serait banni par tous les autres, et l'on serait particulièrement brouillé avec celui pour lequel on aurait affiché cette indifférence. Il sortirait des maisons où vous vous présenteriez en même temps que lui, et se lèverait de la table où vous prendriez place à ses côtés pour faire une bouillotte. Ce serait un véritable scandale. Vous comprenez bien que, dans un chef-lieu d'arrondissement, où la société n'est pas nombreuse, et où l'on ne trouve pas trop de gens pour faire son sang de pique ou sa partie de domino, on ne s'expose pas, de gaieté de cœur, à pareille aventure. On en est donc réduit à parcourir, au jour de l'an, toute sa ville natale, comme un contrôleur qui fait le recensement. Une pareille opération prend ordinairement 8 jours pleins. On n'en est point quitte à moins d'une bonne courbature et quelquefois d'une petite fluxion de poitrine. Ô mouton de Panurge ! Fin du chapitre 23. Lu par Ezoy, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 24 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couélac. Chapitre 24. Le peuple. L'ouvrier travaille toute la journée, et quand il a courbé la tête sur son établi pendant 12 heures, il n'a rien de plus pressé que de regagner son pauvre lit. Aussi n'a-t-il guère le temps de visiter ses amis, de véritables amis pourtant, car on ne s'attache pas à lui pour sa fortune ou pour la protection qu'il peut accorder. Aussi se rattrape-t-il au grand jour. Le peuple prend le premier de l'an chaudement, comme il prend toutes les autres occasions où il peut voir ceux qu'il aime, et qu'il aime véritablement. Ils sont peu nombreux, il est vrai, mais il n'y a pas de faux frères, pas d'hypocrites, pas de menteurs. On se presse la main avec franchise, on s'embrasse cordialement, et les vœux qu'on s'adresse sont des vœux sincères. On se réunit au cabaret, on trinque gaiement, on chante, on oublie ses maux de la veille, et on espère toujours un meilleur avenir. Les gueux sont des gens heureux. Et surtout, des gens qui n'ont pas encore appris à frauder le sentiment et à faire la contrebande des choses du cœur. Fin du chapitre 24. Lu par Ezoy, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 25 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couélac. Chapitre 25. Le lendemain d'un prétendu beau jour. Au jour de l'an, vous ne rencontrez dans la rue que des visages riants. Ceux qui reçoivent sont naturellement gais, et ceux qui donnent tâchent de le paraître. Vous assistez à une véritable réjouissance publique. Un sauvage qui nous visiterait au 1er janvier nous prendrait pour le peuple le plus heureux de la terre. Il lui semblerait que le bonheur, vêtu de sa tunique d'azur, est descendu du ciel pour venir en personne s'installer parmi nous. Mais examinez les physionomies le lendemain. Elles sont toutes tristes et renfrognées. On ne se gêne plus, on donne carrière à son humeur. Personne n'est content, personne ne craint de le laisser voir. On a accordé un jour aux convenances. Le lendemain appartient au caractère. Ceux qui ont donné laissent surtout de dessiner les angles de leur mauvaise humeur. Le négociant regrette la gratification qu'il a accordée à ses commis et les rudoie plus que de coutume. La maîtresse de maison regrette les étrennes de ses domestiques et exige d'eux un service plus régulier et plus suivi. L'oncle regrette les 100 francs qu'il a donnés à son coquin de neveu et, pour refaire sa bourse, va le chercher moins souvent à son collège dans le mois qui suit et le conduit plus rarement dîner au restaurant. Ceux qui ont reçu ne font guère meilleure mine. Ils sont rarement satisfaits de la libéralité de leur supérieur. Le cordon bleu dit à la portière « Quel chien de maître j'ai là ! Madame a cru faire une belle prouesse en me donnant une robe de 7,50 francs. Heureusement que l'anse du panier me reste. Les marchés vont lui coûter cher et je saurai bien me rattraper. » L'écolier dit à son copain « Ah, mon oncle ne vient pas me chercher. Il croit sans doute s'être ruiné au jour de l'an. Je vais vendre au bouquiniste mon dictionnaire grec et mon gradus ad parnassum. Il faudra bien qu'il m'en achète d'autres. Et avec cet argent-là, je filerai à la promenade prochaine et j'irai m'amuser pour réparer les sorties qui m'ont manqué. » Le commis dit, dans son langage de comptoir, « Ce pingre de patron qui augmente tous les jours sa fortune et qui a eu toutes les peines du monde à se fendre de 10 Louis-Philippe. Mais je le reprendrai au demi-cercle. Je vais tous les jours m'en aller une demi-heure plus tôt et je ferai dans la journée un quart de besogne de moins. » Ainsi, à ce jeu-là, personne ne gagne. Le supérieur perd de l'assiduité et l'inférieur l'occasion d'être reconnaissant. Fin du chapitre 25, lu par Ezoy, en Belgique, en janvier 2009. Chapitre 26 de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couélac. Chapitre 26. Les employés. Le jour de l'an devrait être une belle solennité pour les employés. Ils vont ce jour-là, en habit noir, offrir leurs compliments au ministre et recevoir en échange une gratification et quelquefois de l'avancement. Mais la gratification ne leur semble jamais assez grosse et l'avancement n'est à leurs yeux qu'une faveur méritée. Pourquoi se réjouiraient-ils? Le ministre seul, bien différent en cela des autres donneurs, n'a rien à regretter. En effet, il ne tire rien de son propre fonds. C'est le budget qui fait tous les frais de sa générosité. Mais si le budget pouvait parler! Il est vrai que les contribuables crient très fort pour lui, mais on n'a pas l'habitude de les écouter. Fin du chapitre 26. Lu par Ezoy, en Belgique, en janvier 2009. Conclusion de Physiologie du jour de l'an. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an, par Louis Couélac. Conclusion. Au revoir, cher lecteur, ma tâche est terminée. Puisse mon cadeau du jour de l'an vous plaire. Soyez sûr que je ne regretterai jamais de vous l'avoir fait. Si vous ne le trouvez pas trop pauvre, permettez-moi de vous convoquer tous à une nouvelle embrassade pour l'année prochaine. Et Dieu vous tienne en joie. Bonsoir. Signature de l'auteur. Fin de la conclusion. Fin de Physiologie du jour de l'an, par Louis Couélac. Lu par Ezoy, en Belgique, le 1er et le 2 janvier 2009.